Oui, je t'ai vu couvert d'un voile noir au plus beau jour de mon jeune âge, et ce fut le premier nuage qui, d'un long avenir, enveloppa l'espoir. Le pressentiment. 2. Chaque jour, Eugène voyait Berthe, et chaque jour, les excellentes qualités de cette jeune fille la faisaient paraître moins laide à ses yeux. Il est vrai qu'elle était si bonne, Berthe, si persuadée qu'elle ne pouvait plaire, qu'il y aurait eu conscience, sur ma parole, de ne pas la rassurer, de ne pas lui montrer un peu d'amitié. Surtout lorsqu'elle venait à lui avec son air gauche et toute honteuse d'être aussi gauche, et qu'avec sa voix douce, seul attrait que posséda cette jeune fille, elle lui disait « Je suis bien laide pour vous, n'est-ce pas, Eugène? Tenez, soyez franc, ne vous gênez pas. Si vous ne croyez pas que je puisse faire votre bonheur, restons-en là, gardez-moi seulement pour ami. Dites, le voulez-vous? Être votre ami, voilà toute mon ambition, Eugène. » À ces paroles, Eugène s'en voulait de ne pas voir toutes ses préventions s'évanouir. Il aurait désiré la rassurer, mais il ne pouvait mentir à sa conscience, à lui-même. Alors, il se contentait seulement de prendre la main de sa fiancée, de la serrer en silence. Puis, sous un prétexte frivole, il s'échappait et ne rentrait que longtemps après. Et Berthe, qui voyait cela, qui pensait, méfiante qu'elle était, que sa laideur en était cause, que Eugène, si beau, ne pouvait s'habituer à sa vue à elle, et qu'il était impossible que jamais elle pût lui plaire. La pauvre enfant, par un sentiment indéfinissable de délicatesse féminine, détournait la conversation chaque fois qu'il était question de mariage. À ce mot, l'envie de pleurer la gagnait. Elle courait s'enfermer dans sa chambre, et elle pleurait. Car elle aimait Eugène avec passion. Elle l'aimait d'autant plus qu'elle voulait le cacher à tout le monde, et que cet amour comprimé n'en était devenu que plus violent. Tout en elle le trahissait. Il se révélait dans l'abandon de sa personne, dans l'inflexion plus pure de sa voix. Il s'exhalait avec le souffle de sa bouche, et comme une auréole de flamme, il errait autour de son front. Ses yeux humides en étaient imprégnés. Il éclatait dans son regard. Il suintait, pour ainsi dire, à travers les pores de cet être aimant. Ah, si vous l'aviez connue comme je la connaissais, si vous l'eussiez vue, craintive de déplaire, rougir, confus chaque fois qu'on lui adressait la parole. La plus légère marque d'intérêt amenait des larmes dans ses yeux. Et le bonheur se peignait si grand sur sa figure triste, quand un mot amical arrivait à son oreille, quand une main amie cherchait la sienne, que certes, vous l'eussiez aimé, ainsi que je le faisais. Et puis, si elle vous eût dit, avec cet accent qui pénétrait l'âme, et qu'elle avait, ce qu'elle me disait quand je la priais d'aller dans le monde, de venir au bal. Au bal, ah, ma chère amie, regarde-moi, je suis si laide. Tais-toi, Eugénie, ne me réponds pas, car tu ne peux me dire le contraire. Et puis, vois-tu, j'ai pris mon parti. » Et dans le soupir qui accompagnait ces paroles, on devinait tout ce que ce parti lui avait coûté à prendre. Après, elle ajoutait, essayant de sourire, « Dis-moi, te souviens-tu de notre heureux temps de pension? Comme j'étais gaie, rieuse, toujours la première à animer les heures de récréation. Tu te le rappelles, n'est-ce pas? Mais là, c'était si différent d'ici. Là, vous lisiez toutes au fond de mon cœur. Vous saviez combien je vous aimais et vous me le rendiez. Là, j'avais des paroles pour adoucir vos chagrins, des regards pour vous consoler. Et à votre tour, et quand l'occasion s'en présentait, vous me prodiguiez et les mêmes paroles consolantes et les mêmes regards affectueux. Là, je ne savais pas que je fusse ni plus laide, ni moins laide que vous. Je ne savais pas ce que c'était que d'être laide, ni que ce fût un mal. Mais ici, quelle différence! Il semble que ce soit un crime, une faute impardonnable, un péché mortel. Chacun vous fuit, vous délaisse, bien plus se rit de vous. Eugénie, mon Dieu, que j'ai souffert la première fois que je suis allée dans le monde! C'était au sortir de ma pension. J'avais 15 ans. J'étais bien jeune, bien enfant pour mon âge. Toutefois, ce que j'éprouvais ce soir-là vint mûrir ma raison tout à coup. C'était comme si j'avais eu un bandeau sur mes yeux et qu'on me l'eût arraché de force. Il n'y a que 2 ans de cela, mais je pourrais vivre longtemps, bien longtemps. Jamais cette soirée ne s'effacera de ma mémoire. Son souvenir pèse encore à mon cœur. Il l'oppresse. On m'avait paré. Ma robe était éblouissante de fraîcheur. J'avais des roses dans les cheveux. Mon Dieu, que je me trouvais bien ainsi. J'étais contente, heureuse. Je comptais en espérance sur mes doigts le nombre de contredanses que j'allais danser. J'aimais tant la danse. Il me tardait d'y être. Je ne voyais pas le moment d'entrer au bal, tant je désirais ce moment. Je pressais, je tourmentais mon pauvre oncle. Je le trouvais d'une longueur interminable à sa toilette. Enfin, mon impatience était telle que j'en éprouvais un malaise. Il me semblait que quelque événement, quelque chose d'imprévu, et que je ne pouvais définir, devait venir se jeter à la traverse dans mon bonheur. Hélas, c'était un noir pressentiment. Puis elle ajoutait, avec cette intime conviction d'une âme prédestinée, « Dis-moi, Eugénie, n'es-tu jamais ainsi, toi, quand tu désires quelque chose? N'as-tu jamais ressenti cette inquiétude vague qui vous saisit au cœur, qui vous trouble, qui vous fait appréhender le moment que vous désirez? Votre imagination s'enflamme. Cette chose est là. On la voit, on va la saisir, et on ne peut l'atteindre. C'est un cauchemar. Et puis on devient triste, triste sans raison. Et puis on a peur, et on ne sait pourquoi. Oh, c'est horrible! Eh bien, tout cela, je l'ai éprouvé ce soir dont je te parle. Enfin, mon oncle est prêt, nous partons. Ma gaieté renaît en voiture. »